traverse les néons. Chaque battement rejoint la frénésie des saisons. Les ombres dansent sous les basses qui grondent. Le jeu commence et l'envie nous inonde. Chaque clic déclenche une histoire. Chaque mouvement mesure la gloire. De Rust à GTA, chaque carte un théâtre. Raiders qu'il s'impose, maître du vacarme. Les yeux rivés sur l'objectif. Chaque instant vital, chaque action décisive. Dans chaque recoin, un secret se cache. Chaque combat laisse sa trace. La montée d'adrénaline coule dans nos veines. Raiders qu'il domine, nul ne reste en scène. Les lumières vacillent, la pulsation s'amplifie. Chaque moment frappe comme un hit en radio, oui. Virtual Raiders kill leads the way. Through every night and every play. The beat hits deep, hearts synchronize. Feel the power, hear the cries. Des rues de la ville aux terres de survie. Chaque victoire sculptée par des mains fermées. Les ennemis tombent, les ombres reculent. Raiders kill s'élève.